Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que tout va bien pour vous en ce samedi. On va démarrer avec la découverte. The Crusader est leur titre Street Life, paru en 1979. C'est aussi le titre de l'album. Le groupe est, par cet album, au sommet de son art. Il va se classer au top 20 aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et il va occuper la première place du hit parade de jazz américain pendant, tenez-vous bien, 20 semaines. Alors, l'album fait partie des 1001 albums que vous devez écouter dans votre vie. Je vous laisserai le découvrir. Alors, The Crusader, avant tout, c'est un groupe américain de jazz. Alors, leur musique qu'on peut qualifier de smooth jazz, ça va être un mélange de jazz, de soul, de funk et de pop. Depuis 1961 que le groupe existe, le groupe il a publié plus d'une quarantaine d'albums, mais il a connu deux formations distinctes. Mais assez parlé, place à l'écoute. Life away. Écoutez Fadjet sur 94.2. La suite, c'est les 100 hits qui ont fait le disco. The Tramp fait partie des groupes vocaux de la Philadelphia Soul qui ont contribué à l'évolution de la Soul vers le disco. Disco Inferno grave leur nom pour l'éternité dans l'histoire de la musique. Numéro 1 du top disco pendant 6 semaines. Disco Inferno n'est remarqué par le grand public qu'un an après sa sortie, lorsque les producteurs du film Saturday Night Fever, La fièvre du samedi soir, l'incluent dans la bande originale. C'est le film La Tour Infernale qui a inspiré les compositeurs. Reprenant l'image des flammes, ils jouent avec l'expression « brûler la piste de danse ». La phrase « Burn, baby, burn » que chante The Tramp fait référence au pas brûlant des danseurs, mais aussi au slogan entonné par les émeutiers à Los Angeles en 1965. Ben, Disco Inferno est un classique d'une telle envergure que Madonna elle-même, lors de son Confession Tour en 2006, le choisit pour rendre hommage au disco. C'était en 1976 et ça donnait ça. On continue notre découverte des hits de décembre 1984. C'était il y a 40 ans. Ce mois-là, au sommet des charts, on découvrait Viola Mills et son « Gonna Get Along Without You Now ». Le titre est une reprise d'une chanson de Roy Orbison datant de 1951. Oui, vous avez bien entendu. Le rythme est plus lent que l'original, mais la musique derrière, eh ben, elle fait le job. On va s'en rendre compte tout de suite. You ran around with every girl in town. You didn't even care if it got me down. Told me I was the leader. On passe au maxi. C'est au tour de Stroke de s'y frotter. Le titre, Just Another Lonely Night, me paraît tout indiqué. Il est paru en 1985 sur l'album Stroke. Ils ne sont pas foulés pour trouver le titre, hein, vous allez me dire. Ils n'ont pas fait une pétard d'album, mais il y a quand même de la qualité. Allez, assez parlé, c'est parti, faites-vous votre avis. We'll be right back. pour la pépite, un Baby Q on the Band jamais diffusé ici. Le titre On the Shelf, extrait de l'album Jing. Alors l'année 85 marqua la fin du groupe avec leur dernier album, le bien nommé Jenny, album dans lequel on peut entendre la voix très reconnaissable de Curtis Hairston. Cet album, il va comprendre plusieurs hits dont Jenny, qu'est-ce qu'on en parle, On the Shelf, Dreamer. Après cela, on n'entendra plus jamais parler de ce fabuleux groupe, ni de leur producteur, qui connut une mort dans des circonstances mystérieuses. C'était en 1986, et ça donnait ça. Keep it going strong. c'est la fin de notre émission. Je vous souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous même heure, même endroit, semaine prochaine. Bye bye.